Joaquim Maria Machado de Assis, Dona Paula. On n'arrive pas plus à point. Dona Paula entra dans le salon, au moment où sa nièce essuyait ses yeux gonflés par les larmes. On comprend la stupéfaction de la tante. Celui de la nièce ne fut pas moindre. Dona Paula habite les hauteurs de la Tijuca et en descend rarement. Depuis Noël dernier, elle ne s'était plus risquée en ville, et nous sommes en mai 1882. Elle est arrivée hier dans l'après-midi et s'est rendue chez sa sœur, rue do Lavradio. Aujourd'hui, au sortir de table, elle s'est habillée et elle est accourue chez sa nièce. La première esclave qu'elle a rencontrée a voulu aviser sa maîtresse, mais Dona Paula lui a ordonné de n'en rien faire. Et, sur la pointe des pieds, très doucement, pour éviter le froufrou des jupes, elle est arrivée dans le salon, en a ouvert la porte et est entrée. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écrie-t-elle. Venancinha se jeta dans ses bras et ses larmes recommencèrent à couler. Sa tante la couvrait de caresses, lui disait de tendres paroles de réconfort et finit par lui demander de lui conter ses peines. « Es-tu malade ? » ou « Oh, plutôt ciel que je fusse malade, plutôt ciel que je fusse morte !» interrompit la jeune femme. « Ne dis donc pas de bêtises, mais enfin, de quoi s'agit-il ? Allons, que t'est-il arrivé ?» Venancinha essuya ses pleurs et essaya de parler. Mais à peine avait-elle proféré 5 ou 6 paroles que les larmes reparurent, si abondantes et si impétueuses que Dona Paula trouva bon de les laisser couler tout d'abord. Elle mit le temps à profit, en retirant sa mante de dentelle noire et ses gants. C'était une agréable vieille, élégante, et dont les larges prunelles avaient sans doute eu naguère des profondeurs infinies. Pour laisser à sa nièce le temps d'épuiser ses larmes, elle alla soigneusement verrouiller la porte du salon et revint s'asseoir sur le canapé. Au bout de quelques minutes, Venancinha cessa de pleurer et se laissa aller aux confidences. Il ne s'agissait rien moins que d'une brouille avec son mari, mais d'une brouille si violente qu'ils en étaient arrivés à parler de séparation. Affaire de jalousie. Il y avait déjà longtemps que son mari avait pris quelqu'un en grippe à cause d'elle. La veille au soir, en la voyant danser 2 fois et causer durant quelques minutes avec cette personne, il en avait conclu que tous deux s'aimaient. Il se montra boudeur au retour. Puis, ce matin même, après le déjeuner, il lui avait fait une scène, lui avait dit des choses dures et cruelles auxquelles elle avait répondu par d'autres du même genre. « Où est-il, ton mari ?» lui demanda la tante. « Il est sorti. Il doit être allé à son bureau. » Dona Paula lui demanda encore s'il avait toujours son cabinet au même endroit. Il lui dit d'avoir confiance, que ce ne serait rien. « D'ici 2 heures, tout sera arrangé. » Et elle enfilait ses gants à la hâte. « Vous allez le voir, ma tante ?»« Naturellement. Ton mari est un brave homme. » Il a, comme tout le monde, ses moments de mauvaise humeur. 104, j'y cours. Attends-moi, et prends garde que les esclaves te voient. » Tout cela était dit avec volubilité, conviction et douceur. Quand elle eut remis ses gants, sa nièce l'aida à attacher sa mante sans qu'elle cessât un instant de parler, jurant que, malgré tout, elle adorait Conrado. Conrado était le mari, avocat depuis 1874. Dona Paula partit, emportant nombre de baisers de la jeune femme. Réellement, on n'arrive pas plus à point. Chemin faisant, Elle considéra l'incident, je ne dirais pas avec défiance, mais avec curiosité, un peu inquiète tout de même de ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans tout cela. En tout cas, elle était résolue à rétablir la paix dans ce foyer. En arrivant dans le cabinet de son neveu, elle ne le trouva pas. Mais il arriva presque aussitôt, et, après le premier mouvement de surprise, il n'eut pas besoin que Donna Paola lui expliquât le motif de sa visite. Il devina tout. Il avoua qu'il avait peut-être été excessif dans ses reproches, et déclara qu'il ne jugeait sa femme ni perverse ni vicieuse. Quant au reste, Venancinha était une tête légère, elle adorait les galanteries, les paroles tendres, elle aimait qu'on lui fît les yeux doux. Et, de la légèreté à la chute, il n'y a qu'un pas. Quant à la personne en question, il ne doutait pas qu'entre elle et Venancinha, il n'y eut un commencement d'intrigue. Elle vous a conté l'aventure d'hier, mais c'est la quatrième ou la cinquième fois que cela se renouvelle. Et l'avant-dernière, au théâtre, son attitude a frisé le scandale. Je ne suis nullement disposée à couvrir de ma responsabilité les coquetteries de ma femme. Si elle veut avoir des amants, que ce soit pour son compte propre. Donna Paola écoutait en silence. À son tour, elle parla. Sa nièce était peut-être légère, mais à l'âge qu'elle a, quelle est la jeune femme qui peut faire un pas sans attirer les regards et sans être enivrée de l'admiration générale? Les manifestations de cette griserie prennent naturellement, pour les autres, et surtout pour le mari, des apparences d'amourette. Il n'y a pas besoin d'autre explication que la fatuité des uns et la jalousie de l'autre. Quant à elle, elle venait de voir la jeune femme verser des larmes sincères. Elle l'avait laissée consternée, parlant de mourir, toute meurtrie des dures paroles qu'il lui avait dites. Et puisqu'après tout, il ne l'accusait que de légèreté, pourquoi ne point procéder avec douceur et prudence, par des conseils et des observations, en lui évitant les tentations, en lui montrant le tort que porte à la réputation d'une femme mariée les apparences d'excessive sympathie envers les hommes. Elle mit 20 minutes au moins, la bonne dame, pour dire toutes ces choses sensées, avec tant de tact que son neveu sentit son cœur s'amollir. Il résistait encore pour la forme. 2 ou 3 fois, ne voulant pas glisser à l'indulgence, il déclara qu'entre Venancinha et lui, tout était fini. Et, pour s'endurcir dans sa résolution, il évoquait les griefs qu'il avait contre elle. La tante baissait la tête, laissait passer l'orage, et se redressait en fixant l'avocat de ses grands yeux sagaces et obstinés. Conrado perdait du terrain. Alors Donna Paola proposa un moyen terme. Vous allez lui pardonner. La paix une fois faite, je l'emmène avec moi à la Tijuca. Durant 1 ou 2 mois, elle y subira une sorte d'exil. Et pendant ce temps, je me charge de remettre de l'ordre dans ses idées. Ça va ? Conrado accepta. À peine Donna Paola eut-elle sa parole qu'elle se leva et prit congé pour porter la bonne nouvelle à sa nièce. Conrado l'accompagna jusqu'à l'escalier. Ils se serrèrent la main. Et, tout en retenant dans la sienne celle de l'avocat, Donna Paola lui répétait ses conseils de douceur et de prudence. Après quoi, elle fit cette réflexion naturelle. « Je parie que l'individu dont il s'agit ne mérite pas 1 minute d'attention. C'est un nommé Vasco Mario Portella. » Donna Paola pâlit. « Vasco Mario Portella ? Un vieux, un ancien diplomate qui... Non, celui-là vivait en Europe depuis quelques années et venait de recevoir le titre de baron. C'était un fils à lui, arrivé depuis peu, infâme. » Donna Paola lâcha la main de l'avocat et descendit rapidement. Dans le corridor, et durant quelques minutes, elle demeura tout émue, la main tremblante, rajustant sa mante sans que cela fût nullement nécessaire. Elle resta même à contempler le plancher, pensive. Elle sortit, elle retourna chez sa nièce, à qui elle fit part des préliminaires de la réconciliation. Venancina accepta tout ce qu'on exigeait d'elle. 2 jours après, le départ eut lieu. Venancina a montré peu d'enthousiasme. Était-ce l'idée de l'exil? Était-ce un peu de nostalgie? En tout cas, le nom de Vasco fit le voyage de la Tijuca, sinon dans les deux cerveaux, au moins dans celui de la tante, où il formait comme l'écho d'un son doux et lointain, qui se répercutait du temps de la Stoltz et du ministère par Anna. La cantatrice et le ministre, chose fragile, ne l'étaient pas moins que le délice d'être jeune. Où étaient passées ces 3 éternités? Elle gisait dans les ruines de 30 années. Voilà tout ce que Donna Paula avait en elle et devant elle. Il est clair que l'autre Vasco avait été jeune et amoureux. Oh oui, ils s'étaient aimés, à satiété, l'un et l'autre, sous l'ombre protectrice du mariage et durant plusieurs années. Mais comme le vent qui passe ne conserve point les bavardages des hommes, il est impossible de reproduire les racontages d'un autre temps. L'aventure eut une fin, après une succession d'heures douces ou tristes, remplies de larmes, de colères et d'extases, drogues variées que la femme amoureuse but jusqu'à la lie dans la coupe des passions. Quand elle l'eut vidée, elle la brisa pour n'y plus revenir. La satiété engendra l'abstinence, et, avec le temps, ce dernier avatar s'imposa à l'opinion publique. Le mari mourut, les années passèrent. Donna Paula devint une personne austère et pieuse, entourée de prestige et comblée de considération. Il fallait que sa nièce ravivât en elle les réminiscences du passé, l'analogie des situations. L'identité du sang et de la race réveillèrent en elle de vieux souvenirs. Et il ne faut pas oublier qu'elles étaient isolées à la Tijuca, qu'elles allaient passer plusieurs semaines ensemble et que l'une obéissait à l'autre. C'était vraiment tenter et défier la mémoire. « Alors, c'est sérieux? Nous ne retournerons pas en ville de sitôt ?» demanda Venancina en riant au cours de la matinée du lendemain. « Tu t'ennuies déjà ?»« Jamais de la vie, je m'informe. » Donna Paula, souriante aussi, lui fit du doigt un signe négatif. Ensuite, elle lui demanda si elle ne pensait pas un peu à ce qui se passait là-bas, au pied de la montagne. Venancina répondit que non, pas du tout, et, pour souligner sa réponse, elle l'accompagna d'une moue tombante des lèvres, saturée d'indifférence et de dédain. C'était vraiment vouloir trop prouver. Donna Paula avait l'habitude de ne point s'arrêter aux apparences, mais d'aller lentement en besogne. Elle savait lire entre les lignes, elle épelait syllabe par syllabe, elle pénétrait jusqu'au fond des choses. Et elle trouva le geste de sa nièce excessif. « Ils s'aiment, » pensa-t-elle. Cette découverte fit revivre encore davantage l'âme du passé. Donna Paula s'efforça de secouer ses réminiscences importunes. Mais elle revenait sans cesse, insidieusement ou par surprise, idée féminine qui chantait, riait, faisait les 100 coups. Donna Paula revécut ses bals d'antan, ses interminables tours de valse devant lesquels on s'extasiait naguère, et les mazurkas, et les soirées de théâtre, et les billets doux, et vaguement aussi les baisers. Elle revêtait de ses oripeaux du passé les formes gracieuses de sa nièce, comme étant les plus propres à les porter. Mais tout cela, et ce détail est une peinture d'âme, tout cela ressemblait à de froides chroniques, squelettes sans âme de l'histoire. Le drame était dans la tête. C'est bien inutilement que Donna Paola a tenté de mettre le cœur à l'unisson et s'est forcée d'éprouver autre chose que de pures répétitions mentales. En vain évoquait-elle les émotions éteintes, aucune ne renaissait de ses cendres. Des tronçons, et rien de plus. Si elle avait pu pénétrer dans le cœur de sa nièce, peut-être alors y eût-elle retrouvé sa propre image. Et alors? Cette idée, en s'emparant de l'esprit de Donna Paola, lui rendit un peu plus difficile son rôle d'infirmière. Elle était sincère, elle soignait ce cœur qu'elle voulait voir revenir entièrement guéri à l'époux. Pécheurs, on désire voir les autres pécher, pour ne pas aller seul au purgatoire. Mais ici, le péché n'existait déjà plus. Donna Paola démontrait à sa nièce la supériorité de son mari, lui dépeignait ses qualités, ses passions aussi, qui pouvaient les entraîner jusqu'à la rupture du mariage, jusqu'à la répudiation, pire que le drame. La visite de Conrado, 9 jours après, confirma les craintes de la tante. Il fut glacial, du commencement à la fin. Venansinha en fut atterrée. Elle espérait que 9 jours de séparation adouciraient son mari. Il s'était radouci en effet, mais il se couvrait d'un masque et se contenait pour ne point capituler. Et cette attitude fut plus salutaire que tout le reste. La terreur de perdre son mari fut pour Venansinha le meilleur des remèdes. L'exil même n'était rien auprès. Et voilà que, 2 jours après cette visite, tandis que les 2 femmes se tenaient au portail, prêtes à sortir pour la promenade journalière, elles aperçurent un cavalier qui venait à elles. Venansinha étouffa un cri et courut se cacher derrière le mur. Donna Paola devina tout. Elle voulut voir le cavalier de plus près. Au bout de 2 ou 3 minutes, il passa devant elle. C'était un beau garçon, élégant, bien campé sur sa selle, qu'il pressait de ses fines bottes vernies. Il avait les traits de cet autre Vasco dont il était fils. La même pose un peu penchée du visage au-dessus des larges épaules, les mêmes yeux ronds et profonds. Ce soir-là, Venansinha défila son chapelet, dès que sa tante lui eut arraché la première confidence. Elle l'avait rencontré aux courses, 2 jours après qu'il était revenu d'Europe. 15 jours après, on le lui avait présenté au bal, et elle l'avait trouvé si bien, l'air si parisien, que, le lendemain matin, elle avait parlé de lui à son mari. Conrado fronça le sourcil, et ce geste fut pour elle une révélation. Elle revit Vasco, avec plaisir d'abord, et bientôt avec trouble. Il lui parlait respectueusement, lui disait d'aimables choses, qu'elle était la plus jolie femme de Rio, la plus élégante, qu'à Paris même, il avait entendu faire son éloge chez les Alvarenga. Il était mordant et satirique, et trouvait comme personne le mot qui porte. Il ne lui parlait pas d'amour, mais il la poursuivait de ses regards, et, malgré tous ses efforts, elle ne pouvait lui dérober complètement les siens. Elle se prit à penser à lui souvent, avec intérêt. Quand ils se rencontraient, le cœur lui battait. Il se peut bien qu'il ait lu alors sur son visage l'impression qu'il lui causait. Donna Paola, penchée vers elle, écoutait cette narration, qui est ici simplement résumée et coordonnée. Sa vie était concentrée dans ses regards. La bouche mi-ouverte, elle semblait boire les paroles de sa nièce, avidement, comme un cordial. Et elle insistait pour que celle-ci lui contât tout, mais tout. Venansinha se laissait aller aux confidences. La tante avait l'air si jeune, ses exhortations étaient si tendres, si pleines d'un pardon anticipé, que Venansinia éprouvait pour elle la confiance qu'inspire une amie, malgré certaines phrases sévères qui se mêlaient aux autres et n'étaient que le reflet d'une inconsciente hypocrisie. Je ne dirai pas d'un calcul, car Donna Paola se leurrait elle-même. Elle ressemblait à un général invalide qui s'efforce de retrouver un peu de sa juvénile ardeur au récit d'autres campagnes. « Tu vois bien que ton mari avait raison, » disait-elle. « Quelle imprudence ! Tu as été bien imprudente !» Venansinia confessa que oui, mais jura que c'était bien fini. « J'ai peur que non, car enfin, tu l'as aimée. Ma tante, et tu l'aimes encore. Non, je le jure. Mais que je l'ai aimée, ça, je l'avoue. Allons, pardonnez-moi, et ne dites rien à Conrado. Je me répands si sincèrement. Oui, au début, j'ai été un peu fascinée. Que voulez-vous ? Il t'a fait des déclarations ? Il m'en a fait. Au théâtre, un soir, au sortir de l'opéra. Il avait pris l'habitude de venir nous chercher dans notre loge et il m'accompagnait jusqu'à la voiture. En sortant, il m'a dit deux mots. Donna Paola n'osa point demander, par pudeur, quelles avaient été les propres paroles de l'amoureux. Mais elle évoqua les circonstances, le couloir, les couples qui défilaient, les lumières, la multitude, les rumeurs des voix. Il lui fut enfin possible de se représenter, comme en un tableau, ses propres sensations. Et elle continuait son interrogatoire avec curiosité et astuce. « Je ne sais plus ce que j'éprouvais, » continua la jeune femme, dont l'émotion croissante déliait la langue. « Je ne me rappelle rien des 5 premières minutes. Je pris un air sérieux, je crois. » Je demeurai en tout cas silencieuse. Il me sembla que tous les regards étaient fixés sur nous, qu'on avait entendu ce qu'il m'avait dit. Et lorsque quelqu'un me saluait en souriant, je me figurais qu'il se moquait de moi. Je descendis les escaliers je ne sais trop comment. J'entrai dans la voiture, étrangère à ce que je faisais. Je tendis une main qui s'amollissait volontairement. Je vous jure que j'aurais voulu n'avoir rien entendu. Conrado me dit qu'il avait sommeil et s'enfonça dans une encoignure du coupé. Et ce fut une vraie chance, car je ne sais trop ce que je lui aurais dit s'il m'avait fallu causer. Je m'adossai à mon tour au coussin pendant un instant tout au plus. Je ne pouvais tenir en place. Je regardais dehors à travers les glaces. Je ne distinguais que la clarté des réverbères qui finit même par s'effacer à mes regards. Et je revis soudain le théâtre, les escaliers, la foule et lui, debout à mon côté, murmurant deux mots seulement. Je ne saurais dire ce que je pensais durant tout ce temps. Mes idées s'enchevêtraient, s'obscurcissaient, une révolution s'opérait en moi. Et quand tu te trouvas seule ? Chez moi, tout en me dévêtant, je pus méditer un peu, mais pas beaucoup. Je dormis tard et mal. Le matin, je me réveillais la tête lourde. Je ne puis dire si j'étais triste ou gaie. Je me rappelle qu'il occupait beaucoup ma pensée. Et pour l'en chasser, je me promis à moi-même de tout révéler à Conrado. Mais de nouveau, son image se représentait à moi. De temps à autre, je croyais entendre sa voix et je tressaillais. Je me souvins qu'en le quittant, j'avais évité de correspondre à sa pression de main. Et il me venait, comment dire, une sorte de regret, une crainte de l'avoir contrarié. Et voilà que j'éprouvais le désir de le revoir. Oh, pardonnez-moi, bonne tante, c'est vous qui voulez que je vous dise tout. Pour unique réponse, Donna Paola lui serra fortement la main, en faisant oui de la tête. Enfin, elle ressentait les commotions d'un autre temps, au contact de ses sensations ingénument décrites. Ses yeux, parfois demi-fermés, dans la somnolence du souvenir, s'allumaient par moments d'une chaude curiosité. Elle écouta tout, jour par jour, rencontre par rencontre, jusqu'à la scène du théâtre, que sa nièce lui avait d'abord cachée. Insatiable, elle voulut être mise au courant des moindres détails, des heures d'angoisse, de désir, de crainte, d'espérance, de découragement, de dissimulation. Pénétrant dans les élans impétueux dont une créature est bouleversée en semblables circonstances. Ce n'était pas un livre qu'elle feuilletait, ni même un chapitre d'adultère, mais un prologue intéressant et violent. Venansinia se tut. De son côté, la tante gardait le silence, repliée sur elle-même, jusqu'au moment où, sortant de sa rêverie, elle attira sa nièce vers elle, regardant toujours sans parler, et de tout près, cette jeunesse inquiète et palpitante, cette bouche fraîche, ses yeux encore ouverts sur l'infini des illusions. Et elle ne se reprit complètement qu'en entendant la jeune femme lui demander pardon. Donna Paola lui dit tout ce que la tendresse et l'austérité d'une mère peuvent trouver à dire en semblable occurrence. Elle lui parla de chasteté, d'amour conjugal, de respect de l'opinion. Elle fut si éloquente que Venansinia ne put se contenir et pleura. On servit le thé, mais il n'y a pas de thé possible après de certaines confidences. Venansinia se retira dans sa chambre, et, sous la clarté des lumières, elle baissa les regards pour que le valet de chambre ne remarquât point son émotion. Donna Paola demeura seule, en face de la table et du domestique qui la servait. Elle le mit près de 20 minutes à boire une tasse de thé et à grignoter un biscuit. Dès qu'elle se trouva seule, elle alla s'accouder à la fenêtre qui donnait sur le jardin. Il ventait doucement, et les feuilles qui s'agitaient, murmurantes, ces feuilles qui n'étaient plus celles d'antan, se montraient cependant questionneuses. « Donna Paola, disait-elle, vous rappelez-vous les jours lointains ? Car c'est une originalité chez les feuilles. Les générations qui vont disparaître racontent à celles qui viennent de naître tous les événements auxquels elles ont assisté, de sorte qu'elles savent tout, qu'elles interrogent sur tout. Vous souvenez-vous des jours lointains ? Se souvenir, oui, elle se souvenait, mais la sensation, réflexe tout au plus qu'elle avait ressentie, ne persistait plus en elle. C'est en vain qu'elle se répétait les paroles de sa nièce, qu'elle humait la brise agreste de la nuit. C'est du cerveau seulement que surgissaient quelques vestiges, quelques réminiscences du passé. Des tronçons et rien de plus. De nouveau, le cœur se montrait rétif et ne poussait pas plus vite que de coutume le sang dans les artères. Il manquait à la rêveuse le contact de l'autre. Et elle demeurait pourtant en face de la nuit, semblable à toutes les autres nuits, et qui n'avait plus rien de commun avec celle du temps de la Stolz et du marquis de Parana. Et pendant ce temps-là, les négresses, qui racontaient des histoires pour échapper au sommeil, se disaient l'une à l'autre avec impatience : « Mon Dieu, comme la vieille dame se couche tard ce soir !»